Quelles sont les maladies que la conscientisation peut créer chez l'être humain? Et peut-il les éviter? L'être humain. Toutes les maladies que l'homme et la femme vont avoir à vivre au cours de leur vie sont des maladies de la conscientisation. Dans cette conscientisation maladive, on peut déterminer deux formes de pathologie. La pathologie évolutive et la pathologie mentalitive. Dans la pathologie évolutive, on a tous les mécanismes de lutte de l'ego et de fuite de l'ego. Lutte de l'ego qui va opposer une résistance à la mentalisation et fuite de l'ego qui va vouloir fuir la vitalisation. Donc, toutes les maladies reliées à l'évolution de l'homme qui créent des cadres tout à fait inécologiques permettant à l'homme d'être malade. La pathologie mentalitive est une forme de maladie, si l'on peut dire, d'expression pathologique suite à une conscientisation, donc à l'effort que va opposer l'énergie supramentale par l'intermédiaire du mental sur l'ego. Comment peut-il les éviter? À être en totale harmonie avec les énergies belzébutiennes, c'est-à-dire à être tout à fait régisseur des énergies vitales. Alors, il n'y a plus aucune forme de maladie qui peut venir apparaître au niveau de son corps physique. Si on parle de l'acupuncture, on parle de la gestion des énergies yin et yang, donc de la gestion des énergies belzébutiennes localisées sur un corps. On peut aussi travailler de l'acupuncture au niveau planétaire, comme les pyramides, comme ces objets bizarres dans le triangle des Bermudes, comme etc., où on va s'arranger pour créer, pour faire de l'acupuncture à l'échelle de la planète, de façon à régir les méridiens planétaires pour orchestrer et occasionner certaines choses. Alors, pour les éviter, au niveau des maladies évolutives, pour les éviter, il faut cesser d'évoluer, il faut commencer à se mentaliser. L'évolution est une transformation à long terme d'un état égoïque. L'évolution est une transformation à long terme d'un âme qui essaie d'être acceptée par son Dieu. La mentalisation, la conscientisation, la supramentalisation est un phénomène qui amène l'homme à devenir ce Dieu, qui amène l'homme à devenir son seul maître. À l'intérieur de l'homme qui veut devenir son seul maître, il y a les énergies égoïques, les énergies lucifériennes qui vont lutter, qui vont opposer une résistance aux énergies supramentalisantes, créant la pathologie d'ordre mental. Donc, ce sont les deux formes de maladies que l'on va rencontrer dans l'échelle de l'humanité, l'une évolutive, l'autre mentalitive, et dans l'un des deux cas, c'est la compréhension de l'écologie qui va régler le problème, dans l'autre cas, c'est la désintégration ou la supramentalisation de l'ego qui va régler le problème. Une personne qui a déjà vécu dans un pays sous-développé, est-ce qu'elle est plus apte à faire face à une descente aux enfers qu'une autre qui est de pays industrialisé? Bon, absolument pas. La personne qui vit dans un pays sous-développé, sa descente aux enfers sera une descente satanique, démoniaque. Alors, vu leur caractère tout à fait collectivé, satanique, ils sont superstitieux comme c'est pas possible. Au niveau industriel, ils perdent leur superstition. Par contre, ils vont vivre une descente aux enfers beaucoup plus matérielle, beaucoup plus souffrante, pour la simple raison que ce que vous avez connu, si on vous descend en bas de cela, ça devient une descente aux enfers pour une humanité collective. Si on regarde l'initiation par le feu individuel d'une personne qui se mentalise ou qui se conscientise, la descente aux enfers, ce n'est pas la même chose. Donc, ce ne sera pas le même genre de phénomène évolutif qu'elle va vivre qu'une descente aux enfers collective humanitaire. Par une descente aux enfers matérielle, qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la matière, j'ai toujours eu des problèmes avec mon auto? Et les anciennes aussi, en particulier, en parenthèse. Sur l'autocasse, des choses qui arrivent. Une question que toi-même tu poses. Bon. Plus l'être humain va arriver à se mentaliser, plus il aura la possibilité de contrôler consciemment ou inconsciemment son expression vitale. Lorsqu'une personne souffre de trop d'orgueil vital, ce qui est tout à fait différent de l'orgueil psychologique. Elle a la malencontreuse possibilité d'altérer tout ce qui va être matériel. Alors elle va être capable de faire, de transformer de l'argent en oxyde d'argent. De transformer de l'or, même si c'est un métal presque invulnérable, en oxyde d'or. Elle va être capable de briser les véhicules automobiles, de bloquer les freins. Elle va être capable de faire sauter les lampes chez elle. Elle va être capable de faire plusieurs choses dans le genre au niveau matériel. Personne ne peut même avoir la faculté de rendre les autres malades. Elle se mentalise, elle se conscientise, sauf que l'orchestration expressive de son énergie vitale n'est pas nécessairement en accord, en résonance avec l'énergie vitale extérieure. Plus son ego va être capable de puiser à l'intérieur de l'énergie vitale, plus cet ego va être capable d'égoïser l'énergie vitale de la personne. Donc, elle n'aura plus d'orgueil psychologique nécessairement apparente, mais cet ego va s'exprimer par l'expression même de sa vitalité. Lorsqu'on a une automobile qui n'est pas capable d'assumer son énergie, c'est la même chose pour une maison, un domicile qui ne peut pas assumer l'énergie de l'habitant. C'est pourquoi aussi au niveau du projet OVSA, on travaille sur la construction de dômes et on travaille sur la construction d'intérieurs de maisons qui vont être suffisamment solides, puissants, mentales, pour pouvoir assumer l'énergie des êtres qui vont se conscientiser à l'intérieur. Ma première auto a été un Dodge, une vieille minoune, que j'ai achetée pour 600$ dans une cour à scrap avant même de savoir conduire. Alors j'ai amené l'auto chez moi de Ville-Saint-Pierre à Montréal-Nord, et c'est là que j'ai appris à conduire. Cette auto, elle avait un peu plus de 120 000 milles de roulée. C'était une auto qui avait la possibilité de grimper à des vitesses assez affolantes jusqu'à temps que le moteur saute. Alors, évidemment, pour un jeune, ça aurait pu être dangereux. Mais ça ne m'a jamais bien impressionné. Je roulais aux vitesses conventionnelles, surtout quand on n'a pas de permis. Alors, j'ai suivi des cours de conduite. D'ailleurs, j'allais à ces cours-là avec mon auto. Ce véhicule, il avait une faculté particulière, c'est qu'il fonctionnait extrêmement mal quand un individu entrait dans mon auto. Un individu qui n'allait pas en résonance avec moi, le taux avait de la misère à avancer. Il ne démarrait pas. Il roulait en soubresaut, fonctionnait extrêmement mal. Mon deuxième véhicule était un Ford, un autre station wagon, un auto blindé. J'ai eu 3 accidents avec, c'est-à-dire que 2 personnes en ont eu une avec mon auto alors qu'elle était stationnée. Les 2 personnes se sont sauvées. L'une des 2, je l'ai vu partir avec son pare-choc qui traînait à terre. Mon auto n'avait jamais rien. Et à un moment donné, j'ai aussi défoncé le char de quelqu'un qui avait brûlé un stop. Son auto était finie, la mienne n'avait rien. C'est très plaisant. D'ailleurs, j'étais avec Pierre cette fois-là, quand on s'est amusé à voir la solidité des chars blindés. C'était le char d'un des présidents de la compagnie Molson. 400$ pour l'auto. Le premier, le moteur a sauté, je ne sais plus combien de milles il avait. Mais ce n'était pas moi qui conduisais. Le deuxième, après presque un deuxième tour du cadran, on était rendu dans les 160 ou 170 000 milles. J'avais fait 100 000 milles avec, je l'ai vendu. Et l'acheteur qui l'a eu ne s'en est jamais servi. Parce que à l'instant où il l'a parti, il a roulé un petit peu avec et le moteur a figé. Cette auto, elle avait aussi la propriété de pouvoir reconnaître les personnes qui étaient en harmonie avec moi. Alors, je roulais, je prenais un autostoppeur, on s'en allait et ça roulait avec des pétards en arrière, de la boucane, des soubresauts. Et lorsque la personne descendait, tout était impeccable. À un autre moment donné, je m'en allais avec certaines de mes amies dans le nord, dans un lac, pour aller se baigner à un lac. Chaque fois qu'on était en direction du lac, l'auto n'arrivait même pas à monter les côtes. Alors, on revirait de bord pour ne pas tomber en panne là. Il y avait d'autres côtes à monter en s'en allant, tout était impeccable. Alors, on revenait de bord, le char allait bien. Ça recommençait, ça ne voulait pas aller. On virait de bord pour s'en revenir, c'était impeccable, on pouvait rouler. Alors on n'a pas été se baigner, on a essayé pendant presque une demi-journée d'y aller. Pas réussi. Ces véhicules, le dernier que j'ai eu, perdait énormément d'huile. J'arrive au garage, je dis au garagiste, mettez de l'huile, checkez l'essence. C'était donc un auto qui fonctionnait avec beaucoup d'huile. Après presque 6 mois où je l'ai conduit, elle ne perdait plus d'huile. Tout était impeccable. Aujourd'hui, si je prendrais possession d'un véhicule de ce genre-là, même flambant neuf, il ne roulerait pas longtemps. La dernière auto que j'ai eue, ça a été mon premier véhicule neuf, digne de ce nom. Avant ça, j'avais eu un Jeep. C'était impeccable aussi, pour ce que j'avais besoin de faire. Et c'est important d'avoir un véhicule et une maison et du linge adapté à notre énergie. Ça ne fonctionne pas longtemps. L'être nouveau va voir aussi que c'est un manque d'écologie que de passer son temps au garage. Donc, mon dernier véhicule, il allait bien, c'était parfait, jusqu'au jour où il a commencé à m'exprimer des mécanismes que je devais décoder. Je transformais mon auto pour que celle-ci m'instruise. Donc, je me servais de mon véhicule automobile comme une cartomancienne se sert de ses tarots. Lorsque je signalais pour tourner et que ça ne signalait pas, je savais que j'avais de la difficulté à donner une direction soit à mon travail, soit au centre, étant donné que je suis aussi le directeur du centre. Lorsque j'avais une idée géniale et qu'on s'enlignait, le clignotant fonctionnait. Lorsque je revenais dans un doute, le clignotant ne fonctionnait plus. Je l'ai fait réparer. En sortant du garage, ça marchait. Rendu chez moi, ça ne marchait plus. 3 fois de suite. Je l'ai réparé. Ça ne donnait rien. J'ai même pris des fils pour sauter tout le filage conventionnel et même la carrosserie. J'ai amené l'électricité qu'il fallait à la lumière. Ça marchait un laps de temps, ça ne marchait plus après. La lumière n'était jamais brûlée. J'ai changé d'auto. Les vieilles minunes, c'était pas compliqué parce que je le vendais presque le prix que je le payais. Et le véhicule que j'ai présentement est un véhicule qui normalement devrait me durer 3 ou 4 ans. Parce que c'est un véhicule qui va être, de la façon où il est conçu, c'est un véhicule qui est informatisé, qui est digital. Il va avec mon énergie. Je ne devrais pas le sauter. Je ne devrais pas démolir ce véhicule. Et en ce qui concerne certaines personnes, un véhicule automobile est extrêmement important, dépendant du travail qu'ils ont à faire. Alors j'ai su m'ajuster à un véhicule. Mais il a fallu évidemment que ce véhicule existe sur le marché. Dans l'apparence extérieure, il existe. Dans l'intérieur, il est extrêmement rare. Pour la simple raison que de toute façon, ce véhicule, on ne pouvait pas. On l'a presque conçu pour que je puisse l'acheter. Et on va dire c'est suspect. Ce n'est pas suspect parce que ce véhicule, j'ai tout fait pour ne pas l'avoir. Et tous les mécanismes, d'ailleurs, Richard peut aussi compter quelques expériences, parce qu'on en avait parlé un peu des automobiles, justement, qui créaient des problèmes. Alors, il a passé par des mécanismes un peu comme les miens pour avoir son véhicule, qui lui joue aussi des problèmes. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque j'ai été acheter ce véhicule, j'ai, premièrement, le véhicule, je savais ce que je voulais. Il était, quand je suis rentré, j'allais faire inspecter mon automobile. Et pendant l'attente, ils ont rentré un véhicule dans la salle de démonstration et il me plaisait. Énergétiquement, ça allait bien, mais je n'en voulais pas. Alors, je m'assois à l'intérieur juste pour le voir et l'intérieur est tout à fait comme il me faut. Mais comme ça n'existe pas sur le marché, du moins c'est l'idée que j'en avais. Après la discussion avec le vendeur, il me demande si je serais intéressé. Alors je demande comment ça coûte. Ça coûte, je suis pas intéressé. V'là un an, j'avais voulu changer mon véhicule pour un véhicule similaire 4 roues motrices et on m'offrait 7 500 $ pour mon véhicule qui était flambant neuf et qui avait coûté 14 000. Alors, un an après, je demande, ça dépend comment vous me faites pour mon véhicule. Alors, ils me font presque 2 000 plus cher, un an après. Ce qui ne se fait pas. Alors, ça dépend de mon banquier. Je pouvais mettre une partie comptant, mais je ne voulais pas. Alors, je vais voir mon banquier, je lui dis, j'aurais besoin de temps, et dans 2 heures, je veux la réponse. J'ai jamais emprunté là, j'ai aucun crédit là. 2 heures après, je téléphone, pas de problème, c'est accepté. Je retourne voir le véhicule, puis je dis au bonhomme, je veux l'essayer. Alors, je suis parti avec le véhicule. Il y a eu la piqûre. Il y a eu la piqûre. J'ai pas eu la piqûre, c'était ça, c'était parfait. L'autre auto, je l'aurais démoli en dedans d'un an. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une automobile ou une maison, et c'est important, certaines personnes ont des maisons, ont des meubles, ont des accessoires qu'ils vont changer régulièrement, mais énergétiquement, ils ne sont plus en accord avec le monde dans lequel ils vivent. Des personnes ont des crevaisons régulièrement. Change d'auto. Mais il faut que vous ayez une auto qui ne fait pas que plaire à votre psychologie. Il faut qu'elle soit en harmonie avec ce que vous vivez. À un moment donné, je vais expliquer d'une façon beaucoup plus ésotérique ou occulte les mécanismes même qui assujettissent votre évolution à la matière qui vous permet l'évolution. C'est un mécanisme d'écologie. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, on a changé les micros ici. On change des choses. Votre habillement, la façon dont vous vous habillez est importante. Pas tout de suite, pour tout le monde, mais à un moment donné, ça le devient. La nourriture, pas d'une façon spirituelle, psychologique, énergétiquement. La maison, très, mais très important. Tout ce qui fonctionne la nuit. Certaines personnes ont la fâcheuse habitude de laisser les lumières allumées la nuit. Lorsque de l'électricité circule dans un fil, on l'a vu souvent en PMC, il y a un champ électromagnétique similaire à l'énergie vitale, ce que vous avez besoin pour vous restaurer, qui est dégagé par le champ électromagnétique du fil, ce qui crée un champ électromagnétique dans la maison qui ne peut faire autrement que vous embêter, vous perturber. Psychologiquement, certains ont besoin de la lumière, même si c'est dans le salon et qu'eux ne la voient pas. Ils laissent des lumières allumées. Mais cela nuit énormément au sommeil. Tout ce qui électriquement fonctionne la nuit, si ce n'est pas dans des câbles blindés, ça nuit. La nuit. Ça nuit aussi le jour, évidemment. Et c'est pourquoi avec, à un moment donné, quand on parlait des maisons d'OFSA, on exprimait le fait que tous les filages seraient dans des conducteurs qui seraient blindés. Si on vous ferait visiter l'arrière des murs du salon ici, tout ce qui est électrique est blindé. Alors, à un moment donné, on va revenir sur cette importance d'ajuster la forme à ce qu'on a besoin. Sans doute, la prochaine conférence du mois. Oui. Alors, je comprends pourquoi tout mon linge déchire, se craque. Ce pantalon a craqué ici, craqué là. Ça a pété. Ça a pété à l'arrière. Tout craque. Ça a l'air tellement niaiseux. Ah oui. Mais il vient un temps où c'est... Ben, toi, par exemple, tu le sais pour la simple raison que il y a des choses qui ne vont pas et tu es en train d'ajuster. Et en ajustant, tu vois. Alors, c'est encore plus comique, parce qu'il faut ajuster encore plus précisément. Ça coûte cher. Eh oui, et c'est pour ça que moi, je me fais moi-même mon linge. Oui, oui. On va faire le tien. OK. Depuis quelques temps, les plantes poussent mieux. Est-ce relié à l'énergie vitale? Cela pourrait-il signifier qu'il y a plus d'énergie vitale qui circule en moi? Il faut faire attention, psychologiquement. Évidemment, c'est parce qu'il y a plus d'énergie vitale dans la plante. Est-ce qu'il y a plus d'énergie vitale chez vous? Ce qui va aider la plante, ça se peut. Est-ce qu'il y a moins d'énergie vitale chez vous? Parce que la plante le vole, ça se peut. Pourquoi en ce moment les couples et les personnes elles-mêmes ont-ils ou ont-elles à passer par une vie, par une si grande remise en question de leur situation de couple ou de vie personnelle? Est-ce dans l'air à tel point que l'on ne peut faire autrement que d'y réagir quand il faudrait pourtant laisser aller les événements? Ne pas y mettre de blocage. Puis c'est vrai, c'est pas mal de couples qui se remettent en question ces temps-ci. Ces temps-ci. Ah, ben. Le couple. Dimanche dernier, on en a parlé relativement longtemps. On a fait une conférence juste sur le couple. On en a déjà fait. Le grand handicap du couple, c'est que lorsque l'on parle et que cela est mal compris, Ça peut créer des sessions d'évolution qui ne seraient pas souhaitables. Dans un couple, il y a normalement une personne qui a comme fonction d'empêcher l'autre d'évoluer. Ceux qui vivent des couples compliqués ont déjà perçu ce mécanisme. Mais il est perceptible des deux côtés. C'est réciproque. Empêcher l'autre d'évoluer d'une façon apparente. Il y a des couples qui doivent être dissous. Mais il y a des couples qui constituent un cadre d'évolution merveilleux. Pas pour l'ego. Mais qui permettent à celui qui apparemment se conscientise un peu plus d'avoir tous les outils pour comprendre ce qu'est l'écologie. Et d'avoir en plus l'école et le stade, pour pouvoir apprendre à exprimer et à contrôler l'écologie. Lorsque le plus intelligent du couple crée l'harmonie dans le couple, non pas en se soumettant à l'autre, en soumettant l'autre, mais pas en voulant le faire évoluer, en s'ajustant et en créant des événements dans lesquels l'autre va s'engouffrer pour être harmonieusement intégré. Il a compris ce qu'est l'écologie. Il a compris ce qu'est l'intelligence de la manipulation. L'homme ancien, la femme ancien, l'être ancien manipule sans cesse l'extérieur, mais d'une façon inécologique. L'être nouveau manipule sans cesse l'extérieur, d'une façon écologique. Lorsque deux êtres nouveaux se rencontrent, ils ne se manipulent pas l'un par rapport à l'autre. Étant donné que les deux sont leur seul maître, ils ne sont pas manipulables et ils n'ont pas besoin d'être manipulés. Parce que l'intelligence qui coordonne les deux, les manipule les deux. Lorsqu'un être nouveau rencontre un être ancien, l'être nouveau va manipuler l'être ancien si écologiquement il y a de l'intelligence. Le programme être contrôleur en PMC 5 et 6 instruit l'homme et la femme à la manipulation. Dans les premiers temps, vous apprenez un peu ce qu'est la manipulation et ce qu'est d'être manipulé. Et lorsque on dit qu'un jour vous devrez manipuler l'extérieur, égoïquement, cela peut friper. Alors, on va prendre un vocabulaire plus diplomatique. Vous allez instruire l'extérieur. Vous allez éduquer l'extérieur. Vous allez aider l'extérieur. C'est ça. Vous allez manipuler l'extérieur. Tout à fait ça. Même si on emploie des termes plus spirituels, ces termes ont la faculté d'assoupir l'ego, mais perdent la faculté de faire comprendre à l'ego le message qu'on veut passer. Manipuler du bois pour en faire une maison, c'est faire évoluer le bois. Manipuler un enfant dans un cadre d'éducation ou d'instruction, c'est manipuler un enfant. Manipuler l'extérieur, c'est manipuler l'extérieur. Un homme rentre chez vous. Il veut vous tuer, vous ne voulez pas manipuler, vous allez vous laisser manipuler. Vous ne voulez pas mourir, vous allez manipuler. Apprendre à manipuler, cela veut dire apprendre à créer l'harmonie écologique dans le cadre dans lequel vous êtes. Celui qui a la faculté mentale de manipuler, qui refuse de manipuler, est un être totalement inutile dans l'expérience évolutive planétaire. Cet être se fera tuer quasi instantanément par l'être ancien parce que celui-ci va être manipulé à le détruire. Lorsqu'un être nouveau apprend à manipuler, il se doit d'accepter de manipuler parce qu'il devient l'outil même de l'instauration de l'écologie. Il faut faire attention que l'être nouveau ne manipule pas l'extérieur à partir de ses désirs ou de la conceptualisation qu'il en aura de la réalité. Vous respirez de l'air. Vous forcez donc les autres à respirer ce que vous rejetez. Vous les manipulez. C'est écologique, et à l'intérieur de ça, il y a aussi un échange de balancement d'énergie vitale qui vous permet de rester dans une certaine forme d'harmonie avec ceux avec lesquels vous allez respirer. Il y a manipulation. Continuellement, au schéma de l'évolution même de l'homme, il doit apprendre, et de la femme évidemment, il doit apprendre à manipuler l'extérieur. Vous vous laissez manipuler ou vous refusez d'être manipulé. Si vous refusez d'être manipulé, vous manipulez celui qui veut vous manipuler. Et si vous comprenez bien ce que je viens de dire, vous allez automatiquement comprendre l'intelligence de la manipulation. On ne peut pas s'en sortir sans manipuler autrui. Autrui veut vous manipuler, vous dites non, vous l'empêchez. Donc, vous allez déterminer son action. Vous allez le manipuler. Dans un couple, celui qui a la faculté de comprendre le cadre devrait être capable, écologiquement, de transformer le cadre de façon à ce que tous les éléments du cadre puissent vivre dans une relative harmonie du cadre. Si les personnes proches veulent rester dans un monde d'illusions, créez un cadre dans lequel leur illusion est la bienvenue. C'est l'écologie. Ne vous déformez pas pour vous illusionner de l'harmonie créée entre les deux. Parlant du couple, il y en a certains qui se marient. Est-ce nécessaire un mariage? Parce que je connais des gens qui sont, on peut dire, un peu évolués. Qui se marient quand même. Ils sont quand même mariés. Je sais que c'est un pacte dans la matière, mais ça occasionne quoi? Parce que certains, la personne elle-même qui veut se marier, c'est pour souvent l'autre personne, pour créer un cadre sécuritaire. C'est un pacte dans la matière, mais c'est un pacte que l'être nouveau n'aura pas à constituer. C'est un pacte qui va être encore utile à l'être transitif. C'est un pacte qui est totalement utile à l'être ancien. Ce pacte, il est là pour cristalliser l'initiation du couple, dans la matière. Celui qui se marie dans le cadre où tu viens de le dire, se fait totalement avoir par les forces astrales pour la simple raison que la journée où il voudra, où il conscientisera, où il décidera que c'est correct, qu'il a appris, il sera lié par le pacte, alors il devra obliger l'autre à s'en sortir s'il veut s'en sortir. Il peut évidemment passer par les mécanismes du divorce, mais là, c'est une absurdité de se marier pour divorcer. Il est de beaucoup préférable de ne pas lier le pacte dans la matière par un mariage quelconque, de façon à ne pas avoir à le délier par un autre mécanisme quelconque. Celui qui se marie, disons que chaque être humain doit être son seul maître. Celui qui se marie avant d'être devenu son seul maître accepte déjà de ne pas l'être. Mais prends un exemple que la personne, un couple, et la personne, le garçon, l'homme, se conscientise, et la femme, un peu psychologique, crée des problèmes. Et pour la sécuriser, doit faire l'acte du mariage. Non, c'est que la personne crée des problèmes et va se faire sécuriser par l'acte du mariage de façon à obliger le mariage à l'autre. C'est beaucoup plus subtil que le fait que tu te maries pour sécuriser l'autre. L'autre, on l'a rendu insécure pour te manipuler à la marier. Puis elle restera aussi insécure. Lorsqu'une personne ne te fait pas suffisamment confiance que tu dois te marier avec, elle n'est pas mariable. Lorsque dans l'évolution de l'homme, de l'être transitif et de l'être, ce n'est pas grave, celui qui est marié a une phase d'évolution, sauf qu'elle est cristallisée par un carcan qui fait que à un moment donné, s'il veut prendre des vacances, c'est plus compliqué, s'il veut s'en aller, c'est plus compliqué, s'il veut ceci, s'il veut cela. Le mariage est une institution tout à fait ancestrale au niveau de l'homme ancien, et c'est présentement, c'est une solution de coordination des forces sataniques sur toutes les personnes qui veulent évoluer ensemble. Lorsqu'un homme et une femme veulent évoluer ensemble, s'ils se marient, premièrement, ils doivent débourser dans la société, là où ils vont cristalliser leur pacte. S'ils veulent se séparer, bon, ils devront payer le prix à Satan, à la collectivité, parce que ça coûte cher une séparation. Tout le temps qu'ils vont être ensemble, ils seront assujettis comme étant un être. Mais l'homme n'a pas le droit de ceci sur sa femme n'a pas le droit de ceci sur l'homme. Alors on a un paquet de cadres tout à fait, disons, démoniaques, qui est extrêmement institutionnel, qui est extrêmement adéquat pour l'évolution d'un être. Le seul handicap, c'est que dans le mariage, dans l'initiation par le mariage, on ne conçoit pas l'erreur. Cela veut dire que deux êtres humains s'unissent pour pouvoir évoluer, ils se rendent compte que ce n'est pas ça, alors ils se séparent. Tandis que dans le mariage, ils s'unissent pour pouvoir évoluer, ils se rendent compte que c'est pas ça, qu'il n'y a plus rien à faire, ça va leur coûter les yeux de la tête au niveau d'un pacte. Le fait qu'il soit marié puis qu'il ait senti une différence après le mariage. C'est normal, c'est simplement la spiritualité astralisée de l'égrégore marial qui vient simplement leur amener l'impression de quelque chose. Et c'est rien passé de plus pour la simple raison que le mariage, c'est la cristallisation dans le ciel d'une union entre un homme et une femme. Donc dans le ciel, dans l'astral planétaire. Alors c'est un pacte dans la matière. Mais le pacte doit se faire quand même. Si ce n'est pas dans la matière, il doit se faire d'un autre plan. Le pacte se fait, sauf qu'on n'a pas besoin d'un mariage, d'une cérémonie typiquement astrale pour pouvoir sceller le pacte, par exemple, au niveau supramental. Lorsqu'un être libre... libre. Et c'est là l'important. Présentement, ça ne peut se faire parce qu'il n'y a pas d'être libre. Lorsqu'un être arrive et dit « Je suis mon seul maître » et qu'en réalité, elle est son seul maître. Lorsqu'une autre personne arrive du sexe opposé et dit « Je suis mon seul maître » parce qu'elle est son seul maître, les deux peuvent dire « Nous nous unissons ». Mais notre union est limitée. Comme le mariage, l'union est limitée. Parce qu'à un moment donné, l'un des deux meurt s'il n'y a pas séparation avant. Lorsque ces deux personnes acceptent une fusion de leur vivant, tout à l'heure on parlait de fusion télépathique. Lorsqu'ils acceptent une fusion complète jusqu'à procréer, s'il le faut, ils peuvent en arriver à se marier. Et lorsque dans leur conscience totalement mentale ou même supramentale, ils vont tous les deux accepter que leur union est illimitée, ils seront mariés au plan supramental, au plan mental, et par la puissance qui leur est conférée de par leur propre libération, ils seront mariés au plan astral, vital et physique. Sans cérémonie cristallisante. La cérémonie, c'est un acte qui te permet de rentrer dans le catalogue akashique de tous ceux qui ont été reliés dans le but d'une évolution spirituelle ou dans le but de n'importe de quelconque évolution. Donc le mariage est une faculté qui est encore nécessaire. Tu me poses la question, sachant très bien qu'un autre jour l'a déjà posé à quelqu'un d'autre, et que l'autre conférencier a dit que le mariage était nécessaire. Et le mariage est nécessaire pour la simple raison que lorsque moi je m'adresserai à 1000 personnes, je pourrai aussi dire que le mariage est nécessaire. Parce qu'au niveau du travail de l'être nouveau, beaucoup d'êtres anciens et transitifs devront passer par le mariage de façon à occuper les basses sphères de l'astral, pour permettre aux autres d'arriver à se libérer sans passer par ce schéma d'évolution. Donc, rien Lucifer. Est-ce que Lucifer a été ou non manipulé lorsque notre système galactique s'est formé à descendre en énergie et venir en partie intégrer le corps de l'homme et gérer l'évolution de la planète et de ses habitants? Je suis convaincu que la personne connaît la réponse. Oh, on ne répond pas. OK. Là, on parlait de Lucifer qui était descendu et qui n'a pas trouvé de corps. Il n'était pas passé à côté de l'animal humain. Mais lui, il sait d'où il vient. Puis il sait par l'expérience aussi que quand possédant un corps humain, il ne peut pas évoluer. Parce que c'est son illusion. En pensant posséder un corps humain, il va pouvoir évoluer. Mais il sait par l'expérience de ceux qui sont débarrassés, qui sont... dépossédé de lui, qui peut pas. C'est-à-dire que présentement, il n'y a pas d'être à part le Nazaréen et quelques traits, mais même pas. À part le Nazaréen, il n'y a pas présentement d'être totalement déluciféré. Donc, il n'y a pas d'être totalement dégagé de l'ego, de l'âme. En 1987, cela va commencer. Donc, dans l'année prochaine, disons. Puis comment il va réagir face à ça? Face à cela, évidemment, il y aura la création d'une densification majeure d'esprits luciférien ou sataniques, ce qui va constituer ce que dans l'antique religion on appelle la bête. Il va se passer différentes choses. Il y aura donc des possessions massives de certains personnages au niveau luciférien qui seront des formes d'apparition d'antichrist ou d'antéchrist. Des formes d'apparition, je spécifie. Non seulement en 87, mais à partir de 87, ces énergies vont travailler de façon à collaborer entre elles, ce qui n'a pas été fait depuis le début des temps. Lucifer va cesser d'exister lorsque toutes les religions vont être détruites. Lorsque plus un seul homme ne va vouloir énergiser un égrégore astral dans l'astral, alors les énergies luciférienne et sataniques vont être démolies. C'est-à-dire qu'ils vont mourir lentement. En quelques milliers d'années. Lentement, ils vont être perdre en vibration, ils vont descendre, ils vont devenir vital. Devenant vital, ils vont réinstaurer l'harmonie totale à l'échelle planétaire parce qu'ils vont constituer un apport d'énergie vitale terrestre d'une façon incroyable, ce qui fait que à partir de cette époque, la planète Terre va recommencer à se réchauffer. Les glaces un peu partout, mais là on parle de plus loin. Les glaces à l'échelle planétaire vont disparaître et la Terre va recommencer son expansion. Donc, il fera soleil, il fera chaud partout à l'échelle de la planète. Dans l'antique, tradition religieuse, on parle d'un nouveau paradis terrestre. Donc, non pas d'une Jérusalem céleste qui est autre chose, là où un corps éthérique va être constitué, mais là où on aura un paradis terrestre, c'est-à-dire une planète Terre qui va recommencer à regorger de tout ce qui sera vivant. Et tout ce vivant sera, disons, asservi, c'est-à-dire qu'il sera l'esclave ou sera le serviteur ou l'allié ou l'ami, mais encore là, l'homme reste le maître. Donc tout ce qui sera vivant sera carrément assujetti au désir mental de l'homme. Il faut comprendre aussi que lorsque les forces luciférienne et sataniques vont baisser en vibration, parce que toute énergie supramentale, si elle n'est pas énergisée, baisse et devient mentale. Elle baisse, elle devient astrale spirituelle. Elle baisse, elle devient astrale bas. Elle baisse et elle devient vitale. Elle baisse et elle devient matérielle. Sauf si elle a un réceptacle pour la recevoir, en l'occurrence l'homme. Lorsque les énergies sataniques et lucifériennes vont baisser pour reconstituer un cadre vital planétaire, les animaux qui présentement nourrissent Satan, les animaux, tous les carnivores qui nourrissent donc au niveau émotif les énergies sataniques, vont perdre la faculté de nourrir Satan. Ce ne sera plus utile parce que Satan sera trop bas pour être nourri par l'expérience, disons, souffrante d'un animal qui se fait manger. Ce qui fait que tous les animaux planétaires vont redevenir végétariens. Et évidemment, l'homme sera quelque chose à l'intérieur de ce cadre qui va finaliser l'expérience planétaire pour après ça faire quelque chose qu'on ne parle pas pour l'instant. Ce que la Bible appelait le paradis terrestre. OK. Il y aura deux paradis. Il y aura un paradis dans le monde supramental et il y aura une réflexion intelligente dans le monde planétaire. Alors l'homme vivra non pas dans un paradis, mais dans deux paradis. L'homme vivra dans ce que coloré on appelle la Jérusalem céleste. Donc l'homme vivra dans une réflexion planétaire du monde dans l'énergie supramentale, lorsque l'homme aura ce corps de lumière éthérique, donc lorsque l'homme aura ce corps supramental. Et l'homme vivra en même temps la terminaison de l'expérience humaine. Je parle de dans quelques, oui, pas mal de temps, au niveau collectif. Et l'homme pourra vivre, donc, à l'échelle planétaire, la coloration réfléchie et réflective de ce paradis céleste dans ce paradis terrestre. Ofsa, ça va être une réflexion de ce qui va se faire éthériquement? Ofsa est la projection archétypale de ce qui a été ou de ce qui sera un jour au niveau mental dans l'essai présentement d'instruire ou de bâtir des chemins, de préparer des chemins à une cristallisation mentale d'énergie supramentale de façon à orchestrer un cadre d'évolution digne de l'être nouveau. Est-ce que le village Ofsa va réellement être créé? On s'en fout. Le premier village Ofsa est un village laboratoire pour plusieurs raisons. Celle d'instruire l'humanité, celle d'instruire la société, celle d'instruire l'astral planétaire et celle aussi de permettre la concrétisation réelle dans ce village laboratoire de certains outils qui seront totalement utiles à l'être nouveau pour pouvoir se parfaire, surtout au niveau de la génétique, c'est-à-dire surtout au niveau de l'éducation ou de l'instruction des enfants. Tu as déjà parlé que ce serait possible pour un enfant de naître sans la possession de Lucifer, sans être possédé par les énergies lucifériennes. Comment ce phénomène-là va se passer? Comment ça va se faire? Lorsqu'un homme et une femme procréent, la cellule de l'homme, elle est constituée quasi exclusivement d'énergie vitale. Cette cellule humaine qui a aussi la faculté de déterminer le sexe chez l'enfant, ce que la cellule femelle n'a pas. Cette cellule masculine a en programmation biologique dans l'ARN et l'ADN, dans la génétique, tout ce que sera le corps de cet enfant s'il n'est pas mélangé à la génétique d'un corps femelle. Donc, il a déjà la grande particularité biologique de représenter le père identiquement au niveau de faculté psychologique génétique, mais en même temps, il a aussi la faculté de représenter le père qu'on ne connaît pas. Parce que dans chaque père et dans chaque mère, il y a un père qu'on ne connaît pas et une mère qu'on ne connaît pas. Le père qu'on ne connaît pas, c'est le père du père, qui va être collectivé avec le père du père du père du père du père du père. Dans le père que l'on connaît, on connaît l'expression de ce père. Toute la génétique non exprimée va aussi être transmise. Ça, c'est le père qu'on ne connaît pas. Cette cellule masculine s'en va et elle va être fécondée, c'est-à-dire qu'elle va féconder la cellule femelle. Et les deux mélanges génétiques, celui de la mère et de toutes les mères qu'on ne connaît pas, et du père et de tous les pères qu'on ne connaît pas, ça, se mélangeant ensemble, vont constituer un être humain qui a déjà la programmation de recueillir une énergie luciférienne. Le spermatozoïde, il est déjà luciférien. L'ovule, il est déjà luciférien. Donc, à l'instant même où ils vont se toucher, ils vont dynamiser, c'est-à-dire que l'enfant va recevoir un potentiel relativement important d'énergie luciférienne, d'énergie goïque, d'évolution. Mais il y a un phénomène assez intéressant. C'est que l'ovule fécondé, donc le fœtus, va recevoir, va être plus luciférien que la mère et le père. Parce qu'il sera l'alliage de Lucifer chez l'homme et du Lucifer chez la femme, au niveau potentiel énergétique. Alors, étant donné qu'il y a plus d'ego chez le fœtus et plus d'âme, plus de vouloir évolutif chez le fœtus, mais qu'il n'y a pas de corps physique pour exprimer ce vouloir, le fœtus étant ce qu'il est, la mère va absorber égoïquement les énergies lucifériennes de l'ego fœtal. Alors la mère va devenir plus évolutive, plus douce, plus aimante. Elle va déjà aimer son enfant, qui est la source même d'énergisation de l'ego au niveau luciférien. Alors, elle va le caresser, elle va le flatter. Quand on pourrait reparler des mères qui ne veulent pas avoir leur enfant, et là, il y a un conflit entre les énergies créées chez l'enfant par rapport aux énergies égoïques humaines. Parce que Lucifer a une expression reliée à la génétique qui permet l'expression, et qui permet aussi l'enregistrement de l'événement, comme lors d'un viol ou d'autres choses. Pour que, alors l'enfant, lorsqu'il va naître, il a déjà une génétique qui accueille. Déjà même, d'ailleurs, l'enfant a une arme. Le spermatozoïde a déjà une arme. L'ovule a déjà une arme. Quand est-ce que l'enfant devient un enfant avec une arme? Il l'a toujours été. Alors, il n'y a pas, à un moment donné, une arme particulière qui vient l'habiter. Par contre, lorsque l'enfant a cet égo luciférien, lorsque le fœtus est en formation, il va, selon sa constitution génétique cellulaire, selon le mélange de la génétique de la mère et du père, il va créer quelque chose de neuf qui va expulser de chez lui, par dissonance, certaines vibrations typiques du père et typiques de la mère qui vont nourrir la mère. S'il y a trop de dissonance au niveau du père, la mère peut s'en absorber et finir par avoir une répulsion par rapport au père. Ce sera son enfant. Alors, il y a différents mécanismes qui peuvent être exprimés. Elle peut l'aimer plus s'il y a beaucoup de répulsion au niveau de la mère. Alors, elle va aimer le père. Ce qui va arriver, c'est que l'enfant va expulser certaines choses et au fur et à mesure qu'il expulse, au fur et à mesure que les cellules se multiplient, donc on a un corps nouveau qui est en train de se constituer à partir de l'amalgame des deux corps anciens, l'esprit supramental ne laissera pas ce corps libre, sauf si ce corps n'a pas à vivre. Donc, il ne sera pas viable. Alors, il a un âme, mais il n'a pas nécessairement un esprit. Il ne sera pas viable. Parce que seul est viable quelque chose permis par l'intelligence, c'est-à-dire que l'énergie éthérique extraterrestre doit permettre l'éthérique planétaire d'habiter une chose pour que celle-ci soit vivante, viable. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'au fur et à mesure que le fœtus va se développer, l'esprit va essayer d'obtenir un contact. Et pour obtenir ce contact, il doit se colorer, de façon à ne pas détruire le fœtus. Alors, il va aller chercher dans le mental planétaire un ordre, un organigramme mental qui va aller avec l'organisation cérébrale de l'enfant. Pour arriver à l'enfant, il doit aussi aller chercher un organigramme psychologique, donc astral, qui va être capable d'être intégré par Lucifer, par l'ego même de l'enfant. Donc, il crée le processus de réincarnation des entités mortuaires du monde des morts. Alors, il va selon, évidemment, l'affinité planétaire, c'est-à-dire que selon la position de l'enfant dans le nuage de toutes les astralités planétaires manipulables par les planètes de notre système solaire, l'esprit va descendre et va aller chercher dans cet astral, dans le monde des morts, comme dans le monde vital, dans le monde des vivants, comme dans le monde mental, une parcelle pour créer une espèce d'homme qui va être capable d'aller apposer l'énergie intelligente dans le corps de l'enfant. L'enfant va naître et là, l'intégration de ces mécanismes doit se faire et Lucifer est déjà dedans. Pour que l'enfant naisse sans cela, le corps physique des parents doit être totalement personnalisé. Le père ne doit plus avoir aucune ressemblance génétique, aucun rapport génétique avec son père et le père qu'on ne connaît pas. Donc, le père fait partie d'une nouvelle race qui ne transmettra pas l'expérience ancestrale par la génétique, donc qui ne transmettra pas la déchéance de l'homme telle qu'on la conçoit au niveau de la Bible. Maintenant qu'Adam et Ève sont déchus, toute l'humanité sera déchue. Lucifer les habite, c'est ce qu'on veut dire. L'homme qui se met au monde de son vivant est capable d'engendrer un enfant qui n'a pas la particularité d'être luciférien. S'il procrée avec une femme qui s'est mise au monde de son vivant un être nouvel, elle aussi aura un ovule totalement désassujetti de la lignée ancestrale. C'est un être nouveau. Quand je parle d'être nouveau, je parle d'être nouveau. C'est donc un extraterrestre de par sa conscience, c'est un terrestre extra de par sa conception humaine. Lorsque les deux vont enfanter un enfant, l'enfant qui naît n'est pas luciférien. Donc, l'esprit n'aura pas besoin de passer par autant de mécanismes psychologiques pour être accepté par l'évolution, par l'ego luciférien chez l'enfant. L'enfant va naître et il va être esprit à la naissance. Ça devrait répondre. Ça répond un peu pas mal. Ce qui arrive aussi, c'est que je pense que ça met un peu plus en branle la compréhension de ce qu'on a du PMC. Par rapport à personnaliser les corps, puis qu'est-ce que ça va donner en personnalisant les corps par rapport à la génération future? Donc, PMC3, on voit un peu le cheminement d'évolution. PMC4, on commence différentes choses. C'est ça qui est le... Pour l'être transitif, ça peut être un problème. Le fait que... Maudit qu'on a hâte. Mais pour être écologique, ce n'est pas l'ego qu'on veut faire parvenir à cette conscience. Et tant que la personne a hâte, ce n'est pas le temps. Souvent, je me demande si on ne devrait pas étirer les PMC. Certaines personnes ont la faculté d'aller plus vite, mais certaines personnes ont un ego très puissant qui leur donne l'impression qu'ils peuvent aller plus vite. On a d'autres personnes qui ont besoin de temps. Présentement, c'est une très bonne moyenne, mais effectivement, tu dis que ça permet la compréhension du PMC. Ceux qui sont en PMC6, oui. Ceux qui sont en PMC5, un peu. Peut-être même oui. PMC4, un peu. PMC3, plus tellement. PMC2, pas pantoute, ou presque pas pantoute, puis PMC1 non plus. Et hélas, on ne peut pas expliquer tout ce que le PMC a dans le ventre tant que la personne n'est pas prête. Simplement, je précise ceci parce que ce que tu viens de dire est vrai, mais pour peut-être plusieurs personnes qui... c'est vrai ce que tu dis, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Ça dépend de quel niveau PMC ils sont rendus. OK, mais l'énergie supramentale ne se mémorise pas dans la génétique. Non, mais l'expérience sans passage est mémorisable, lui. Est intégré comment? Au niveau génétique. Au niveau de l'évolution luciférienne. C'est-à-dire que l'expérience du passage... va venir incrustré, va laisser des traces dans l'ego du parent, dans l'ego aussi de l'enfant. Et ces traces vont transmuer le corps physique. Et ces traces sont transmissibles génétiquement. Pourquoi l'homme évolue? Mais d'une façon tellement colorée que ça n'a plus de sens. Parce que même la trace avant procréation, elle peut être comblée. Alors, ce qui fait que ça n'a plus aucun rapport avec l'idée même de l'énergie supramentale. Normalement, l'être humain, lorsqu'il procrée, l'être humain doit arriver à une jouissance. La jouissance, c'est un haut degré atteint par le corps physique, par l'énergie vitale. La jouissance, c'est lorsque dans un contact, même dans un PMC, à un moment donné, il faudra expliquer, il faudra même enseigner, donner des cours de relations sexuelles, mais des cours de procréation. Je vais appliquer, je vais faire application. Lorsque l'homme ou la femme sont capables d'arriver dans une relation sexuelle, et ça, même si j'en parle, on va dire, c'est peut-être ça que le tantrisme veut faire. Non. Lorsque la relation sexuelle, elle est harmonisée par un mental personnalisé, de façon à ce que le corps vital, dans la relation sexuelle, juste avant qu'il y ait éjaculation ou qu'il y ait orgasme chez l'homme et chez la femme, et c'est important avec que de bien comprendre que lorsque un homme veut une fille, il doit l'offrir à sa femme. Et lorsqu'un homme veut un garçon, il doit attendre que sa femme lui offre. Lorsque les deux mentales vont être suffisamment dynamisés pour permettre la création d'un enfant, disons, nouveau, le phénomène de l'orgasme, c'est un phénomène extrêmement important. L'orgasme, c'est une augmentation radicale de l'énergie vitale dans le corps physique. Et c'est l'énergie vitale qui permet la procréation. Ce qui doit arriver, c'est que pour que cela se fasse anégoïquement, donc sans Lucifer, l'orgasme doit être d'une puissance telle qu'il va être capable d'absorber toute l'énergie de l'ego pour la transmuer en énergie vitale, augmentant par le fait même la puissance de l'orgasme, détruisant pendant ce laps de temps totalement l'ego et ne laissant que le mental relié à l'esprit. Mais pour que ce phénomène se passe, pourquoi ça n'a rien à voir avec le tantrisme, c'est que l'être doit être suffisamment mental pour rester totalement mental, totalement lucide, même parmi un orgasme effarant. Et on va dire souvent que l'orgasme, dans les religions, dans le tantrisme, dans différentes choses, t'amène à une espèce de paradis, t'amène dans une jouissance. C'est qu'il absorbe toutes les parties basses de l'ego, ne laissant que les parties hautes, qui enfin libérées, jouissent comme c'est pas possible de ce ciel sexuel. Mais même ces parties doivent être assimilées par l'énergie vitale juste avant l'orgasme pour constituer un orgasme qui va rééliminer complètement l'ego, qui va tout démolir, qui va vitaliser l'ego, donc le faire évoluer, qui va l'éliminer. Il ne doit rester que le corps mental relié au corps supramental, et alors là, on aura une conception. Anne, même si ce n'est pas génétiquement cellularisé chez toi, tu pourras construire ou constituer, procréer un enfant qui ne sera pas luciférien. Mais l'orgasme, après l'orgasme, c'est une perte d'énergie vitale totale. Presque totale. Pour la simple raison que présentement, c'est normal que tu aies une perte d'énergie vitale parce que tu transmets de la vie. Donc, tu transfuges de l'énergie vitale chez la femme, entre autres, et dans une partie de sa biologie qui ne permettra pas à l'ego instantanément de l'absorber. Donc, la femme peut perdre en énergie vitale, l'homme peut perdre. Sauf que si, dans une relation où l'énergie de l'âme est complètement vitalisée, tu auras une perte d'énergie vitale lors de la procréation, tu seras complètement réinstauré quelques minutes après par l'énergie supramentale qui va revenir te vitaliser. Et là, lentement, tes mémoires génétiques vont rappeler ton ego de l'extérieur et tu vas redevenir toi tel que t'es, même si tu as réussi à procréer un enfant qui n'a rien à voir avec toi. Pour parler un peu du séminaire, tu fais un séminaire sur l'organisation. Ça va se baser sur quoi? Le séminaire sur l'organisation? Sur la... Vers l'efficacité? L'efficacité. C'est quelque chose qui, comme tel, paraît à PMC, c'est-à-dire qu'on doit le faire intensif. Et c'est pour permettre à la... Ce qu'on va faire dedans, il y a plusieurs ateliers, plusieurs exercices pour pouvoir faire comprendre à l'ego. C'est-à-dire que je vais m'adresser dans ce séminaire à l'ego et je vais m'adresser aussi à la partie mentale de l'être humain. Et ce séminaire va être un brasse camarade, mais pas comme on le fait dans le séminaire PMC. Ce sera simplement un séminaire sérieusement terre-à-terre qui va permettre au mental d'avoir la faculté d'orchestrer l'énergie de sa vie immédiate, l'énergie de l'ego, pour arriver déjà à se désassujettir de la manipulation colorante, désirielle de l'ego dans sa vie. Alors, pour que la personne soit capable, ego ou non, et ça, c'est important, égo ou non. Parce que le séminaire PMC, il a son avantage. Le PMC, il a un très gros avantage. Sauf que la personne qui n'est pas organisée à l'intérieur ou dans d'autres choses ne peut pas avoir la faculté d'évoluer rapidement. Donc, un séminaire sur l'organisation vers l'efficacité, on va dire à l'être ancien vers le succès, on va dire à l'être nouveau vers l'efficacité, c'est le même phénomène. C'est un séminaire qui doit te permettre, en trois soirées, d'être capable de pouvoir gérer ton évolution. Est-ce que ça tient compte aussi des forces astrales? Oui. Là où l'ordre rentre, l'astral sort. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et le séminaire va pouvoir te permettre d'évoluer plus vite, oui puis non, de gérer ton évolution, d'être capable de t'orchestrer de façon à ne plus perdre de l'énergie inutilement, et donc d'être capable de conserver de l'énergie pour faire certaines choses, de gérer ton évolution. L'énergie matérielle, l'énergie vitale, l'énergie psychologique, l'énergie mentale, et pour certains, l'énergie supramentale. Juste de pouvoir la gérer. Et il se trouve que tu peux prendre n'importe quelle personne sur le plan planétaire, conscientisée ou non, et si et tu es capable de lui montrer à s'organiser. Et si elle s'organise et qu'elle décide de s'organiser, elle va être capable de s'améliorer beaucoup plus rapidement que le reste de la société. Donc, ce n'est pas critère d'évolution. C'est critère de rendre l'évolution facile. Ça demande un effort de l'ego, ça demande de l'énergie égoïque, mais il faut que la personne apprenne des trucs, des moyens. Il faut qu'elle apprenne aussi un raisonnement nouveau pour lui permettre de découvrir ces moyens-là. Tu arrives ce soir, on a fini, bon, la conférence correcte, fait quand tu t'en vas, t'es fatigué. Ça te prendrait 5 minutes à faire le ménage. Mais pour sauver 5 minutes, tu laisses tout cela puis tu te sauves. Le lendemain matin, quand tu reviens, là, faut que tu te remettes dedans le travail. Ça peut prendre 20 minutes à récupérer le 5 minutes que tu as sauvé hier. Donc, en réalité, tu perds 15 minutes. Alors, il faut que la personne comprenne de quelle façon elle peut réfléchir, s'aligner, organiser, orchestrer, prendre des notes, de façon à perdre 5 minutes pour en sauver 20. De façon à perdre une journée pour en sauver une semaine. De quelle façon on peut arriver à s'organiser? Mais on va dire, organisez-vous. Ouais, c'est facile, c'est comme tu fais un budget. Mais le budget, à un moment donné, il y a des moyens d'arriver à s'arranger pour découvrir de l'efficacité immédiatement. Et immédiatement. Alors, le séminaire est sur 3 jours. Pourquoi? 3 soirées. On aurait pu faire en une journée de temps, mais ça ne serait pas valable. Pour qu'une personne, elle apprenne des choses, puis qu'elle puisse voir dans sa journée de travail le lendemain matin. Qu'elle applique tout de suite. Tu reviens, on continue, on revoit ça, on te montre. Ce sont des techniques faciles. C'est facile d'organiser parce que l'organisation, elle est programmable. Alors, moi, je ne programme pas. Je fais faire des choses, j'explique des choses, je montre des choses. On regarde dans ta vie, puis on regarde, puis on va rire. Sauf que tu es capable de t'organiser. Ton mental peut facilement comprendre l'intelligence de l'organisation. Et avec certains trucs, c'est réellement des trucs qui sont des affaires que tu as comme ça. Que tu vois comme ça. C'est facile. C'est rien de compliqué. Avec certains trucs, tu es capable, toi, de programmer ta psychologie de façon à ce que maintenant elle s'organise. Elle-même va en découvrir les avantages et ça va rendre ton évolution plus facile. Alors, le séminaire est donc un séminaire différent, mais qui se doit d'être fait pour un maudit paquet de raisons. Mais pour une personne en PMC2, ça est peut-être un peu plus difficile à comprendre. Pour une personne en PMC4 qui commence à comprendre les égrégores, les manipulations astrales, c'est plus facile à s'intégrer dans l'organisation. Parce que je pense que la maladie de la conscientisation, c'est la désorganisation, parce qu'on vient un but où on ne peut plus s'organiser. Tu n'arrives plus à t'organiser, tu laisses tomber des choses, tu laisses aller des choses, puis cela, ben ça fait en boule, puis ça crée des problèmes. Et ça crée d'immenses problèmes, le manque d'organisation. Faut dire que ce qui arrive, c'est que tu ne cesses plus de t'organiser. C'est que l'homme ancien n'a jamais été organisé, à part quelques rares exceptions. Mais il a toujours été programmé. Lorsque tu te conscientises, tu finis par abandonner tes programmations. Mais tu ne les remplaces pas par quelque chose d'autre, alors tu deviens apparemment désorganisé. Et ça, c'est le problème, c'est que la programmation que tu as, on peut l'améliorer, on peut l'organiser. Et lorsque tu es tout à fait désorganisé ou en voie d'être désorganisé, c'est que tu abandonnes des programmations de type astral qui étaient inhérentes à ta morale, à ta conception de la vie, à ta philosophie, et tu n'as rien pour les remplacer. Parce que tu te dis, tu sais, il y a des choses à un moment donné que tu mets de côté complètement, qui sont encore utiles. Alors, le séminaire sur l'organisation, c'est de créer un cadre qui s'adapte directement à l'homme transitif, à la femme transitive ou à l'être nouveau, pour lui permettre d'organiser. C'est drôlement efficace parce que, premièrement, le séminaire est organisé. Donc, il n'y a pas de perte de temps à l'intérieur. Il y a des... En tout cas, l'organisation, c'est quelque chose qui doit... La première chose qui va transpirer chez un être transitif avancé, c'est qu'il est organisé. Fait qu'avis à ceux qui ont organisé leurs vacances en été. Ok. On se voit le mois prochain. Ou vendredi prochain, si ça vous intéresse, c'est les mécanismes de l'amour intelligent. Merci, Yvette.